Qu'est-ce que la ponctuation? C'est la manière de marquer en écrivant les endroits d'un discours où l'on doit s'arrêter, pour en distinguer les parties, ou pour reprendre haleine. Qu'est-ce que la ponctuation? J'entreprends de traiter ici d'une manière qui n'intéresse guère les gens peu versés dans les lettres. Ignorant l'usage dont elle est dans la composition, dans la déclamation, et dans la lecture, il s'embarrasse fort peu de la suivre, et de l'observer. Il la regarde comme le partage des savants, c'est-à-dire, comme un objet inutile, et méprisant. Cependant j'ose avancer que cette science est importante. De là quelquefois dépend la clarté d'un acte. L'éclaircissement des faits, l'explication des sciences et des arts. Et l'on fait que le défaut de ponctuation a souvent eu fait des équivoques, qui ont eu de très mauvaises suites. Il y a plus de difficultés que l'on ne pense à bien ponctuer, et quoique cette connaissance ait paru jusqu'à présent arbitraire, à examiner la différente ponctuation des auteurs, je voudrais pourtant bien faire entendre qu'elle ne devrait pas l'être, et si je puis y parvenir, ce sera une nouveauté dont j'espère le public connaisseur me tiendra compte. De quelle note ou caractère se sert-on pour distinguer les parties du discours? On se sert de la virgule du point avec la virgule des deux points du point interrogatif et du point admiratif. Qu'est-ce que la ponctuation point d'interrogation? C'est à tout le monde que je vais donner des règles puisque tout le monde peut lire ou prononcer un discours de point et si les pauses n'y sont pas exactement observées virgule suivant la liaison que les expressions doivent avoir entre elles point virgule on ne sera point intelligible à l'auditeur point on ne sera point intelligible à l'auditeur point. La ponctuation est le fondement de cette clarté de point. On ne doit donc pas en ignorer les principes. Point. La ponctuation est le fondement de cette clarté de point. On ne doit donc pas en ignorer les principes. Point. Point. La ponctuation est le fondement de cette clarté de point. On ne doit donc pas en ignorer les principes. Point. On se sert de la virgule du point avec la virgule des deux points du point interrogatif et du point admiratif. Point. Qu'est-ce que la ponctuation point d'interrogation? Qu'est-ce que la ponctuation? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point.